Le comité central du Parti Travail de Corée et le présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a décidé de livrer les obsèques de feu Kang Suk-ju en funérailles nationales et constituer le comité funèbre national du défunt.